crise étant triste, j'écris pour éviter les coups. Ouais, je suis vite à l'écoute, car cette recherche colle vite à l'coute. La vie c'est court, le temps s'écoule, toujours envie de tout, en quête de liberté, rien à foutre de faire vibrer la foule. Entends la foudre quand je crie pour le bien de ma troupe. Le rap m'a trouvé sans que je cherche à m'y vider les couilles. À qui le tour de quitter la terre, et moi ce que j'acquiers c'est pour les miens. Je me sens pas mieux depuis que j'ai fini les cours. Au contraire, mon but n'est pas de vous convaincre, mais de faire réfléchir, ne pas fléchir sous la contrainte. Combien se plaignent pendant que j'appelle à la paix. Je porte la peine dans la peau et ça me fait mal quand je m'en rappelle. Mais je me contiens pour ne pas tourner le dos à mon destin. La modestie m'a fait connaître le respect. Alex de Barashkan débarque sur les BPM, SPK, LPM, te racontant nos vies telles qu'elles le sont. Yes, ça du kilométrage, mais j'ai trafiqué les compteurs. J'ai des kilos de rime étrange, j'attends péter les écouteurs de BAR, le narcissique. Ce que j'aime entendre rapper, dropper sur cette zik sans même attendre répit, et dans l'oreille. C'est LPM, la rime ADSL, montée en sel, boum, putain en ciel. Ton âme part au ciel, écriture dense, tellement profonde qu'on a trouvé de l'eau. Plus de punchline que de punchshow à la tombée de l'an. J'suis l'archétype du sale exemple, baisse les bras, petit, c'est grave les types. Ce travestis vite comme Brachetti, je vais te la mettre. Et ça, faudra bien l'admettre. On a de l'avance et mes rap compte combien y admettre. Mon taf consiste juste à faire un truc consistant. Un grossistant, 1600 et j'insiste, résistant. Car t'es le genre de faux type que je discrédite, ma bouche crépite. J'ai des poussières et ta touche répite. 1, 2, 1, 2, je brûle ton rap et tes gentils brodes. Mon travail est aux antipodes, il se veut libre. Mais trop enseveli pour s'envoler. Mes textes savants livrent ton livre à des esservelés. Mais putain de merde, pas question que je simplifie. Visez simple au fond, car sans bluffer, la vie j'amplifie. Sans bluffer, la vie j'amplifie. C'est très triste, car très peu y arrive. Sans coup de traîtrise au futur trahi. Il va falloir du courage, car ce que tu tiens pour ange a pourri ton entourage. Tout est relatif au fond, même la trahison d'une femme. Brûle ses toffes, pas ses tifs, loin d'être un infâme, juste un animal. Lorsque la vie mêle le mal, le drame, les larmes teintées de rimel. Alex, ne prends pas la grosse tête, façon y'a pas de quoi. Mon regard reflète ce que je vis, ma langue n'est pas de bois. Je te parle de moi, je ne connais pas la vie des autres. Je me contente de peu, j'ai pas les yeux plus grands que le ventre. Se vanter ne sert à rien, un peu comme la perdition. En étant attentif, qu'on apprend vite, paraît que c'est garanti. La rage dedans, je ne creuserai pas ma tombe avec mes dents. Je reste là pensif, en vérité je ne peux pas mentir. Devant mes gens, demande au mien, moi j'ai rien de méchant. Ma tête est dans mon cœur, j'ai jamais rien à prouver de méchant. Je me compte dessus autant que le temps et j'épouserai la chance. Il n'y a que le mérite qui peut faire accoucher la légende d'un nouveau fils. Chaque jour qui file, une pierre à l'édifice. Mon père m'a fait savoir que le malheur est une paire de fesses. Je persévère tout en sachant que mes repères sont morts. J'aurai toujours mon esprit si je perdais la France. Personne cohabite en moi, mais s'entend de mal entre elles. Psychose, paranoïa, autre et ressort comme à l'hôtel. Ouais, c'est le bordel. Est-ce la vie qui veut ça, ça? En fait, quand t'es mortel, c'est pas plus mal que ça. Moi, je vis dans ce monde parallèle. À côté duquel tu passes, c'est toi alors que tu battes les ici les miens trépassent. C'est quoi qu'on fasse, serrer les fesses c'est la meilleure des choses. En cause depuis toujours on doit faire face au manque de chance, au smoke du shit, oubliant qu'à chaque pas sous nos shoes c'est la chiasse, pas de liasse, la zone nous épouse. Nous en parmi les orties, chaque jour c'est l'orgie. On regrette pas mener une vie à la Côte ou Georgie. Orgie, cette fierté mal placée qu'on appelle orgueil et que j'ai du mal à effacer dans un monde où seul leur paye à leur servir de corbeille. Les yeux pour les ouvrir, j'ai pas eu besoin comme croque l'orteil. Pas de modèle, je fais ce que j'aime. Y'a pas de gen, j'ai pas d'heure. Y'a pas de gun qu'on dégaine. Juste la haine qu'on dégueule. Et ma peine, la dégale. Baignant parmi des squales. Mais forçant d'être un homme qui ne pense pas qu'en mal. Eh, hey, ok. J'ai pas fini. Le level il est très haut parce que la vie l'a trahi. La barre il l'a mise très haute, mais l'avait pas trahi. Capitulation directe à cause des lignes de rail. Il croyait qu'il était aimé, mais son frère l'a haï. La deuxième fois qu'il se blessa, il criait déjà. Il finit sa vie en prison pour cause de manque de Wally. Un flow hors du commun qui t'a déjà tressailli. J'raconte que des faits saillants à comparer, tout comme à ta pierre cisaillant. J'ai l'esprit clairvoyant, j'peux rapper même sans pour autant être voyou. Donc j'reprends la vie de ce type, laver le complexe de deep. C'est vraiment un thème trop deep, manque de peau, il est trop deb. Il voit le sérum pour qu'il stop, ça sort le soul pour qu'il stop. Cerveau détruit à tel point que c'est même plus par quel stupide c'est féresse. Boum boum, milieu de vie où c'est féroce, une formalité pour lui. Vu depuis tout jeune il se féresse. J'ai pas choisi mon enveloppe, j'ai composé avec, elle est mon époque. J'ai pas choisi ma famille, j'ai juste choisi mes potes. J'ai fait le choix de m'interroger, de montrer du doigt, quitte à me brûler les ailes pour une éternelle vérité en soi. J'ai choisi de m'investir dans ce que j'écris pour que ce que je crée soit légal de ce en quoi je crois. J'ai pas choisi d'être comme je suis, j'ai corrigé mes fautes, tenté de vivre par l'esprit, corriger mes défauts, diriger ma barque dans une merde de fiel, gouverner les facettes dont je suis fait comme un monarque régnant sur ses sujets. J'ai choisi mon trajet, éviter le tragique, exister par la musique, communiquer unique stratégie. Communiquer mes peines pour expier mes peurs. J'ai pas choisi ma vie, mais bien le sens interdit cher à mon cœur. J'ai pas choisi ma vie, j'ai composé avec, hein, en lui donnant un sens, fils. On m'a dit, avale tes rêves, il est temps que tu rivalises. Écrase les autres, mais je suis bien trop idéaliste. Ils m'ont tiré dans les ailes. Que je réagisse, qu'ils réajustent leurs carabines parce que je n'ai pas quitté le ciel. Je plane obstinément, sans cause, sans but devant, et c'est malgré le fardeau que j'endosse. J'aime trop brusquement, c'est pas ma faute, il faut que j'arrête. Mais le vrai problème est dans ma poitrine gauche. Ce qu'elle contient est trop énorme. C'est toujours en cachette que j'irai pleurer comme un homme. Tu ne verras jamais mes larmes. Je suis trop fier, moi, et grossièrement accro à des principes trop larges. C'est pas de l'or, mais de l'air que je veux. Car j'étouffe, je suis qu'un gosse, y'a trop de blanc dans mes cheveux. J'éprouve une force, mais je suis glacé par la frousse. Alors je m'efforce de croire mes phrases réanimeront ce feu. Avec l'apparence, c'est si facile à falsifier. Et moi, j'assume mon choix entre le bien et la facilité. Fous la pression, main. Avec l'apparence, c'est si facile à falsifier. Et moi, j'assume mon choix entre le bien et la facilité. Je m'investis, n'associe pas mon stylo beat. Pour réussir, combien travestissent leur stylo beat. Mes chansons sûres pendant que torts sont corrompus. Et ouais, les torts sont durs depuis que chacun a torts sont dus. Mon esprit danse, te relatant l'évidence. Mec, des écrits denses qui reflètent mon existence. Ouais, mes chansons minces, mais authentiques et mon identité. Autant te dire que ma force réside au sein de mes idées. C'est pour mes proches que je médite et pour tout qui s'y retrouve, qui participe à l'avancée de l'esprit critique.